Job chapitre 26. Mais Job répondit, et dit, Oh, que tu as été d'un grand secours à l'homme destitué de vigueur, et que tu as soutenu le bras qui n'avait point de force. Oh, que tu as donné de bons conseils à l'homme qui manquait de sagesse, et que tu as fait paraître d'intelligence. À qui as-tu tenu ces discours? Et l'esprit de qui est sorti de toi? Les choses inanimées sont formées au-dessous des eaux, et les poissons aussi qui habitent dans les eaux. L'abîme est à découvert devant lui, et le gouffre n'a point de couverture. Il étend l'aquilon sur le vide, et il suspend la terre sur le néant. Il serre les eaux dans ses nuées, sans que la nuée se fende sous elle. Il maintient le dehors de son trône, et il étend sa nuée par-dessus. Il a compassé des bornes sur les eaux tout autour, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni lumière, ni ténèbres. Les colonnes des cieux s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Il fend la mer par sa puissance, et il frappe par son intelligence les flots quand ils s'élèvent. Il a orné les cieux par son esprit, et sa main a formé le serpent traversant. Voilà, tels sont les bords de ses voies, mais combien est petite la portion que nous en connaissons. Et qui est-ce qui pourra comprendre le bruit éclatant de sa puissance ?